60, bienvenue sur Radio Gemozo. Lorsque l'on parle des années 60, on évoque toujours avec plaisir cette époque des cheveux gominés, du jean délavé avec le peigne dans la poche arrière. Époque où l'on écoutait du rock, aller sur un bon vieux Tepaz. C'est ce que nous allons faire, bien sûr, le Tepaz en moins. Mais un bon vieux rock, rien que pour le plaisir. Wanda Jackson, Raven. Sans attendre qu'on l'invite, c'est lui qui dira plus vite. Et sans peur mais sans colère, il fit gronder le tonnerre. Les tricheurs lui remboursèrent et leur pillaient le poker. Oh, cowboy, oh, battu. Au galon, au galon, cowboy. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Guimozo. L'amour, plus petit b, les baisers, plus petit c, le cœur, égal, X inconnu, toi mon inconnu, si les livres d'école parlaient d'amour, si les livres d'école parlaient d'amour, on apprendrait bien toutes les leçons et ça rendrait heureux filles et garçons, si les livres d'école parlaient d'amour. Quand l'hiver monotone est de retour, on ne verrait personne sécher les cours. Alors on apprendrait comment s'embrasser, on se demanderait à redoubler si les livres d'école parlaient d'amour. Petit A, l'amour, plus petit B, les baisers, plus petit C, le cœur, égal, X inconnu, toi mon inconnu, si les livres d'école parlaient d'amour. Le prof serait l'idole, à quel beau jour. Chacun lui poserait 100 000 questions, lui nous répondrait par une chanson, si les livres d'école parlaient d'amour. Le rhume et la rougeole feraient demi-tour. Le beau temps de l'école serait trop court. Et quand viendrait l'été, adieu les bouquins, on serait félicité à nos examens, si les livres d'école parlaient d'amour. Si les livres d'école parlaient d'amour. Moi j'irais à l'école la nuit, le jour. Si tu voulais, je pourrais m'y accompagner. On serait toi et moi toujours les premiers, si les livres d'école parlaient d'amour. Oh si les livres d'école parlaient d'amour. Mais si les livres d'école parlaient d'amour. Oh si les livres d'école parlaient d'amour. Allez, laissons rêver notre amie Christine Lebail, les livres d'école. D'ailleurs, l'école est bien la meilleure période dans la vie d'un être humain. Voilà, vous avez décidé de rester en notre compagnie, c'est un excellent choix. Au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs, le hit parade d'août 1962 et notre coin du spécialiste sera consacré à Daniel Gérard. Voilà, ce sont les moments forts de ces deux heures que nous allons passer ensemble. Excellente journée sur Radio Guimozo, excellent après-midi, merci de nous accompagner. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. La 504 se veut bucolique et familiale. Steve McQueen fracasse les voitures dans Bullitt. La gare n'est plus qu'une carcasse. À Prague, le printemps fleurit, mais les chars soviétiques piétinent les espoirs. Charlton Heston explore à ses dépens la planète des singes. Joshua Logan et Vanessa Redgrave hantent Camelot. Nelly Grégoire, la mère Teresa des liaisons dangereuses, recolle les cœurs brisés sur RTL. Albert Cohen écrit Belle du Seigneur, Alexandre Solzhenitsyn, Le Premier Cercle et Marguerite Yourcenar, L'œuvre noire. Le ciel. rêve. Jim Clark finit sa course au paradis de la F1. T'as voulu voir Vierzon, et on a vu Vierzon. Roman Polanski scrute l'enfer dans Rosemary's Baby. Un tueur interrompt le rêve de Martin Luther King et le nôtre. Tommy Smith et John Carlos revendiquent le Black Power sur le podium des Jeux Olympiques de Mexico. Et l'informaticien Douglas Engelbart invente la première petite. Autre veuve, Jeanne Moreau, venge son époux dans La mariée était en noir. Les premiers scooters des mers rugissent pour la première fois. La terre perd la boule. Guy Béard, très pop, annonce le grand chambardement. Le 15 de France écrase tout sur son passage. Grand chelem. Alors que le petit homme Mowgli transforme la jungle en terrain de jeu. Il est mort. Faye Dunaway bat le record du baiser langoureux avec Steve McQueen dans l'affaire Thomas Crown. Au Vietnam, le soleil s'enlise et se meurt. Il est mort l'été. Héro Arnoux arrondit ses fauteuils. Sous aucun prétexte, je ne veux. Kodak immortalise les instants de bonheur. Il faut que tu m'aies. L'ambivalent Cerruti invente la mode unisexe. Et Daniel Echter construit son empire. Jackie Seven vient danser le twist. Jackie Seven sera considéré par les professionnels du showbiz comme l'équivalent féminin de Johnny Hallyday. Bien que la critique soit unanime à son égard, elle abandonnera le rock'n'roll après s'être mariée au printemps 1962, préférant sa vie familiale à celle de la scène. Ils sont quatre garçons dans le vent, originaires de Liverpool. Les Beatles sur Radio Guimauzo, please please me. Last night I said these words to my girl. I know you never even tried. Yeah. Alain Calma devient champion du monde de patinage artistique à Colorado Springs, Léo Ferré donne un récital à Bobino. En ce mois de mars 1965, le rossignol anglais du Gaufret fait fureur sur les ondes des radios périphériques. Sévissaient sur la côte d'Azur et la Riviera italienne. Ils s'appelaient les Joycemen, puis ils vont monter à Paris et devenir les Chats Sauvages. En 1961, ils reprennent le Day in Love de Clive Richard sous le titre 3 en amour. Tu as faim en grec, en latin. Tu as faim en maths, c'est très bien. Premier prix en philosophie, prix d'honneur, en géographie, mais en amour, bébé, bébé, tu as trois, mon petit chat, tu connais tous les présidents, Kennedy, Khrouchtchev et Macmillan, tu connais le russe et l'allemand et la vie de tous les savants, mais en amour, bébé, bébé, tu as trois, mon petit chat, écoute-moi bien, baby, prends des leçons chaque nuit. Et puis viens dans ma surprise party pour avoir vite un premier prix. Danse, danse, danse, danse, danse avec moi. Tu as 20 en calque, en latin. Tu as 20 en maths, c'est très bien. Oui, mais moi, qui suis le dernier en amour, je suis licencié pour le bonheur, baby. Je suis professeur, mon petit cœur, mon petit cœur. Ouais. serre-toi fort dans mes bras pour tout casser en rock'n'roll. Danse, danse, danse, danse, danse avec moi. Tu as 20, ok mon amour. Tu as 20, partout à ton tour. Tu as fait tellement de promesses qu'il faudrait, ouais, un peu de t'arrêter. Oh calme-toi bébé, sinon j'aurai trois, mon petit chat, mon petit chat. Salut les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gemozo. Pleurer, je suis né pour pleurer, pleurer pour toi. Je suis né pour t'aimer, subir ta loi. Tu ris de mon amour et ton cœur reste sourd. J'ai mal de toi, que veux-tu faire de moi? Je suis né pour pleurer. Le ciel a oublié de me sourire. La vie ne m'a donné que des rêves brisés. Reviens mon cœur, reviens sécher mes pleurs. Mon plus beau jour, j'ai un cœur pour t'aimer, deux bras pour t'enlacer. Mon seul chemin me guide vers ta main. Je suis né pour partir loin du bonheur. Je suis né pour mourir pour une fleur. Je voudrais que tes yeux ne fixent que mes yeux. Mais toi déjà, tu cours vers d'autres joies. J'ai mes pleurs. José Sassi, je suis né pour pleurer, ou Dion et les Belmont, Born to Cry, adaptation ou version originale sur Radio Gemozo. Premier match, premier choix pour vous. Cry, yeah, cry. I said cry.

Eddie Mitchell l'avait surnommé le Bibi fricotin du twist. Billy Bridge, qui voulait chanter du rock, sera le prince du Madison. Et en ce mois d'août 1962, classe le grand M à la 34e place du hit parade. M-A-D-I-S-O-N, le grand M. Le grand M. Le grand M. Le grand M. Ouais, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Écoutez, écoutez-moi bien. Vous êtes debout, les deux pieds joints. Vous allez faire un grand M, M de Madison, en partant sur la gauche, puis en arrière. Prêt? Pour le Madison? Attention, on y va. Faites M. Faites M, A. Faites M, A, D. Oui, faites M, A, D, I. M, A, D, I, S, O, N, c'est le Madison. M. Faites M, A. Faites M, A, D. C'est ça. Faites M, A, D, I. M, A, D, I, S, O, N. C'est le Madison. Encore une fois. Faites M. Faites M, A. C'est ça. Faites M, A, D. Oui. Faites M, A, D, I. M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Oh, oh, oh. Le grand M, le grand M, c'est le Madison. Le grand M, le grand M, c'est le Madison. Ouais, M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Ouais, ouais. Faites M, c'est ça. Faites M, A. Oui. Faites M, A, D. Faites M, A, D, I. M, A, D, I, S, O, N. C'est le Madison. Encore une fois. Faites M. Oui. Faites M, A. Faites M, A, D. Faites M, A, D, I. M-A-D-I-S-O-N, c'est le Madison. Oh, ah oh, oh, oh. Johnny Hallyday et Lucky Blondeau feront une version française du Hey Baby de Bruce Channel. Version originale qui se classe à la 26e place du hit parade d'août 1962. Girl. Hey,

twist du canotier Maurice Chevalier et les chaussettes noires, 8e du hit parade 1262. Notez que c'est après une nuit de garde et avec une voix enrouée qu'Eddie Mitchell enregistrera ce titre et ce qui lui donnera cette voix un peu rock. Elle avait 36 ans, le 5 août 1962, on apprend le décès de l'actrice américaine Marilyn Monroe. Pour mettre fin à ses jours, elle l'aurait prise avec de l'alcool, des barbituriques. En ce mois d'août 62, le King Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, classe à la 4e place du hit parade, God the Charm, son nouveau titre. Your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm to have, to hold tonight. Don't want a silver dollar, rabbit's foot on a string, a happiness and your warm caress no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charm, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm to have, to have, to hold tonight. Tonight, if I found a lucky penny, I'd toss it across the bay. Somebody goofed. Your love is worth all the gold on earth. No wonder that I sing. Come on and be my little good luck charm, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm to have, to hope tonight. Oh yeah. Tonight. Elvis Presley, quatrième, voyons le tableau final de ce hit parade d'août 1962. Avec à la troisième place, on retrouve les chaussettes noires. Johnny Hallyday, lui, occupe la deuxième place. Par contre, il fait une entrée fracassante avec J'entends siffler le train. Richard Anthony s'empare de la première place du hit parade et va s'y maintenir pendant 6 mois. J'ai failli courir vers toi. c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? Oh, Petula Clark, je chante doucement. À l'automne 63, Enrico Macias cessait à chanter l'île du Rhône, ou si vous préférez, la Camargue. Hélas, pour lui, les gardiens préférant la paella au couscous, l'essai sera peu concluant. On s'en allait, chassé par le cyclone. Et sur la route, on nous avait jetés. Mais quand on fut près de l'île du Rhône, on a compris qu'on était arrivé. On a compris qu'on était arrivé. L'île du Rhône semblait nous attendre. L'île sauvage d'où saint l'homme oublié. On a percé sa glace humide et tendre. Pour y planter nos tentes et nos pommiers. Pour y planter nos tentes et nos pommiers. Que c'était bon d'arracher les poussins. Nos mains faisaient reculer la forêt. Quand notre terre nous ouvrait ses entrailles. Que c'était bon d'y planter nos pommiers. Que c'était bon d'y planter nos pommiers. Êtes-vous fou, nous disait le village. Connaissez-vous le Rhône de chez nous? L'avez-vous vu quand il est par l'orage? Gros de la Saône et qu'il pleut sur le Ventoux. L'avez-vous vu dans ses grandes colères? Plus dangereux qu'un archange brutal. Tous les 100 ans, la chose est légendaire. À tout sa foi, il nous fait bien du mal. On a gardé les amarres à nos barques. Car si le Rhône nous donne encore 20 ans, chaque matin, chaque heure est un miracle. Le sirocco, n'en laissez pas autant. Le sirocco, n'en laissez pas autant. Regardez-la, c'est notre île cantique. C'est un poème, un bouquet de couleurs. C'est notre terre et c'est notre Amérique. L'eau de ses bords fait le tour de nos cœurs. L'eau de ses bords fait le tour de nos cœurs. Car tous ces jours où l'on courbait les chines pour préparer le sol de nos pommiers, on avait tant, tant besoin de racines. Que c'est aussi nos vies qu'on a plantées. Que c'est aussi nos vies qu'on a plantées. De François, j'ai joué et j'ai perdu. Il perd à tous les coups. Lui, c'est le contribuable français qui paiera en 1967 115 milliards d'impôts, soit près de 9% de plus qu'en 1966. J'ai joué et puis j'ai perdu. Moi j'ai joué et puis j'ai perdu. vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-les-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Une vache bagarre, une brute étendue, Jenny d'un grand coup de guitare. Oh Jenny, il y avait bien sûr un petit malin qui appela les fils. Alors tout le monde dit d'aller mieux, il y a eu la panique. Ma Jenny était lourde, je l'ai laissée, ça s'explique. Oh Jenny, ils ont mis sa photo dans le grand journal du matin. Mon Dieu, quel scandale! Ils ont dit dans l'article du journal du matin que Jenny était chef du gang régional. Jenny a un frère et il me cherche partout. Son père a dit froidement qu'il me tendrait le cou. J'espère quand ça se passera, je tiendrai toujours debout. Oh, oh, oh, Jenny! Elle n'était pas ravie de tout ce qui lui arrivait. D'ailleurs, quand elle m'a vu, elle s'est mise à hurler. Oh, oh, oh, Jenny, on se doutait qu'elle avait pleuré toute la nuit. Je dois le dire, son état n'était pas très joli. Je me suis enfui à toute vitesse devant tous ses cris. Oh, oh, oh, Jenny. C'est dommage pour Jenny qu'à sa toute première survête, quel affreux hasard, se trouve ainsi bouclé pour une histoire aussi bête. C'était la première fois qu'elle sortait le soir. Jenny a un frère et il me cherche partout. Son père a dit froidement qu'il me tendrait le cou. J'espère quand ça se passera, je tiendrai toujours le coup. Richard Anthony, pauvre Ginny, opposé pour ce deuxième match à la version originale des Everly Brothers pour Ginny. Adaptation ou version originale, allez, choisissez celle que vous préférez. I took my little Ginny to a party last night. At 10 o'clock it ended in a heck of a fight. When someone hit my Ginny, she went out like a light. Some joker went and called the cops on the phone. So everybody scattered out for places unknown. I couldn't carry Jenny, so I left her alone. Poor Jenny. Well, Jenny had her picture in the paper this morning. She made it with a bang. According to the story in the paper this morning, Jenny is the leader of a teenage gang. Jenny has a brother and he's hot on my trail. Daddy wants to ride me out of town on a rail. I hope I'll be around when Jenny gets out of jail. Poor Jenny. I went downtown to see her. She was locked in a cell. She wasn't very glad to see me, that I could tell. In fact, to tell the truth, she wasn't looking too well. Poor Jenny. Face was red, her hair was a fright. She looked as though she'd been crying half of the night. I told her I was sorry, she said get out of sight. Poor Jenny. It seems a shame that Jenny had to go get apprehended. A heck of a bait. This party was the first one she ever had attended. It had to happen on her very birthday. Jenny has brother and he's hot on my trail. Her daddy wants to ride me out of town on a rail. I hope I'll be around when Jenny gets out of jail. Poor Jenny. The

looks so, so pretty. You'll see Amarillo. Got up to Mexico. Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona. Big San Pascal, St. Bernardino. Want to get him to this kind of trip. Les Rolling Stones, route 66. Nous sommes en 1964 et Sheila est la vedette du feuilleton radiophonique Les Extraordinaires Aventures de Sheila. Feuilleton qui passe sur Radio Luxembourg dans l'émission Balzac 10-10. Toi que le monde ignore, oui toi que la vie dévore, pour qui l'amour n'a pas fait d'effort jusqu'à ce jour. Ne te désole pas, regarde-moi. Pas de chance, oui toi, qui n'a plus confiance, écoute-moi, car la providence est avec toi, mais tu ne la vois pas, regarde-moi. Annie Chancel, alias Sheila Le Pipo. Il a commencé comme guitariste dans le groupe Del Toro et Les Cyclones. Puis il a accompagné Eddie Mitchell. Il a composé des chansons pour Françoise Hardy avant de chanter. Pince sans rire, avec beaucoup d'humour, un humour qui ne manque pas de piquant. Et avec les cactus, eh bien Jacques Dutronc le démontre plus que jamais. Jacques Dutronc, c'est de suite et c'est sur Radio Guimauzo. Dans leur cœur, Voilà, je vous avais prévenu, c'est une chanson qui ne manque pas de piquant. Daniel Gérard, dans quelques minutes, sera l'invité de notre rubrique Le Coin du Spécialiste. Mais juste avant, dans la saga des Bibaboloula, et il y en a eu, puisque ça a commencé avec Jen Vincent, puis nous avons eu les Chaussettes Noires, ensuite il y a eu nouveau Jen Vincent en 1962, puis Eddie Mitchell avec son Bibaboloula 63. Eh bien, nous aurons la version 1962 de Jen Vincent. En tout cas, merci de nous accompagner. Excellente journée sur Radio Gamozo. Well, Bibaboloula, she's my baby. Bibaboloula, don't mean baby. Bibaboloula, she is my baby. Bibaboloula, don't mean baby. Bibaboloula, she is my baby. La, ma baby, la, ma baby, la. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of the other teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bibaboloula, she is my baby. Bibaboloula, don't leave me, baby. Bibaboloula, she's my baby. I'm a baby, I'm a baby. Now let's push the rock. Woman that's a drop that beat. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Say, Bibaboloula, she is my baby. Bibaboloula, don't make me baby. Bibaboloula, she's my baby. La, my baby, la, my baby, la. Twist together. A little twister, Bibaboloula, she's a little twister. If you look well, you'll see Mister. Bibaboloula, she's a little twister. Bibaboloula, she's my baby, my baby, my baby. Salut les 60 sur Radio Gamozo, la légende en musique. D'origine arménienne comme Charles Aznavour, fils de diamantaire, Daniel Gérard est né en 1939. Un jour, alors qu'il vient d'acheter sa première guitare, il rencontre un type qui lui propose d'apprendre à en jouer. Ce gars, c'était Nino Ferrer. Mais c'est en voyant l'affiche de Gilbert Bécaud qui passe à l'Olympien que Daniel Gérard décide de devenir un chanteur de rythme connu. C'était en 1956. C'est au cours de l'été 63 qu'il rejoint les disques AZ dirigés par Lucien Maurice, le tout-puissant directeur artistique d'Europe numéro 1. Dès lors, Daniel Gérard va enchaîner les disques et les tubes. Il va également écrire des chansons pour d'autres artistes et notamment Les Vendanges de l'amour pour Marie Laforêt. En 1970, avec son célèbre chapeau et son tube Butterfly, Daniel Gérard va essayer de reconquérir son public. N'y parvenant qu'à moitié, il décide d'abandonner tout simplement la chanson. Sans désespoir. son chagrin. Mais le soleil par ton oubli ne brille plus pour lui. Oh oh oh, Marilyn, oh Marilyn, il y a longtemps, il y a longtemps qu'il ne t'a pas vu. Marilyn, sans toi il est perdu. Je ne sais pas ce qu'il t'a pu. Vous étiez fait pour partager le meilleur et le pire. Oh, oh, oh, yeah. On n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui vous fait du dégât. Et comme moi il vous prendra. C'est une danse au rythme merveilleux. À danser seul à quatre ou bien à deux. Pas besoin de doux regard dans les yeux. Y'a simplement qu'à être heureux. Twist and twist, vous y viendrez tous, twist and twist, et vous verrez tous, twist and twist, le monde entier twisté, un pied devant et les deux mains fermées, légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi de pivoter, encore un effort vous l'avez, voilà c'est ça, oui comme ça, et si ce soir vous sortez pour flirter, avec l'espoir de vouloir vous placer, twister, twister, comme on vous a montré, je suis certain vous gagnerez. Twist, vous y viendrez tous, twist and twist, et vous verrez tous, twist and twist, le monde entier twisté, vous rire un peu sauter de temps en temps, ensuite vous vous baissez très lentement, tout en conservant le balancement, ça y est vous l'avez maintenant, voilà c'est ça, oui ça voilà bien changé rien, voilà parfait, vous twistez. Rock and Twist sur Radio Gemozo. Les voix, le son qu'on n'oublie pas. Je t'aime tant, je t'aime tant. Toi, tu m'aimes tant, autant. Si on s'aime, on s'aime tant, on s'aime tant. C'est sûrement qu'on s'aimera longtemps. Tant que nous saurons prendre le temps de garder en nous ce cœur d'enfant, nous pourrons nous dire encore longtemps, tout comme aujourd'hui je t'aime tant. Le temps, il n'aura jamais le temps de faner nos cœurs de 20 ans. Je t'aime tant, je t'aime tant. Toi, tu m'aimes tant. pas longtemps. Tant que nous saurons prendre le temps de garder en nous ce cœur d'enfant, nous pourrons nous dire encore longtemps, tout comme aujourd'hui je t'aime tant. Ce cœur d'enfant, nous pourrons nous dire encore longtemps, tout comme aujourd'hui je t'aime tant. Qui avait une drôle de maison, avec un drôle de trou au milieu d'un drôle de toit. Mais le plus drôle de tout, elle chantait d'une drôle de voix. Ah ah oh oui, il pleut dans ma maison. Ah ah oh oui, il pleut dans ma maison. Ah ah oh oui, quand toutes les filles s'en vont. Mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Mais quand il fait du soleil, drôle de fillette fréquentait un drôle de gars qui fit une drôle de tête quand il vit le drôle de toit. Il prit une drôle d'échelle, se donna un drôle de mal, mais glissa sur une tuile et finit à l'hôpital. Ah ah oh oui, il pleut dans ma maison. Ah ah oh oui, il pleut dans ma maison. Ah ah oh oui, car toutes les tuiles s'en vont. Mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Mais quand il fait du soleil, c'est si beau. Le gars est dans le plâtre et la fille est dans la joie, car elle s'est rendue compte qu'au fond, elle ne l'aimait pas. L'amour à la présent est valable à tous les âges, c'est qu'un inconvénient a parfois ses avantages. Ah ah oh oui, il pleut dans ma maison. Ah ah oh oui, il pleut dans ma maison. Mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Ah ah oh oui, il pleut dans ma maison. Ah ah oh oui, il pleut dans ma maison. Ah ah oh oui, quand les petits s'en vont. Mais quand il fait du soleil, mais quand il fait du soleil, mais quand il fait du soleil, c'est si bon. On est allé en Amérique, allions le faire en Amérique, chercher fortune en Amérique, trouver l'amour en Amérique. En arrivant en Amérique, j'ai voulu voir en Amérique tout ce qui fait de l'Amérique ce qu'on attend de l'Amérique. Était arménien, ma mère elle est fille d'italien, c'est pour ça que je comprends bien que l'on soit né portoricain. On est allé en Amérique, qu'allions nous faire en Amérique, chercher fortune en Amérique, trouver l'amour en Amérique. Nous allons vivre en Amérique, danser pour vivre en Amérique, chanter pour vivre en Amérique, lutter pour vivre en Amérique. Moi tous les enfants

comme ça. Ce soir, si je suis là, c'est pour te dire qu'il ne viendra pas. Ça ne vaut pas la peine de pleurer pour ça. Tu le remplaceras d'ici 8 jours, tu l'oublieras. Maintenant, dans tes yeux, toute la joie s'est envolée. Sèche tes larmes, oublie tout ça avec moi, viens danser. Et quand il saura que tu t'es consolé dans mes bras, ce jour-là peut-être enfin il reviendra vers toi. Oh, Carole, ne me regarde pas comme ça. Ce soir, si je suis là, c'est parce que tu es tout pour moi. C'est dans mes bras mais tu es loin de moi. Oui, tu y penses à celui qui ne viendra pas. Mais je crois bien que c'est lui que j'aperçois là-bas. Il vient tout droit vers toi aussi, tu lui souris déjà. Il est trop tard pour moi, c'est bien fini. Mais déjà, on dirait qu'il a changé la vie. Oh, Carole, ne me regarde pas comme ça. Il y a trop de joie dans tes yeux, c'est bien fini pour moi. Ça. Il y a trop de joie dans tes yeux, c'est bien fini pour moi. Johnny Hallyday ou Carole ou Chuck Berry Carole, troisième et dernier match sur Radio Gemozo, troisième et dernier choix pour vous. Dans ce troisième et dernier match, vous avez fait votre choix. Eh bien, c'est parfait. Un petit coup d'œil du côté de la météo en cette année 68. Time of a season pour les zombies. C'est un temps de saison. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. Like me, has he taken any time? Any time to show? Show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why. I really want to know. It's the time of the season for love. La comédie musicale West Side Story étonne le monde. Et les accès The Misfits avec Marilyn, Clark Gable et Montgomery Clift troublent. Are you sorry? Au Maroc, le roi du Maroc, Mohamed V, laisse la place à son fils Hassan II. Philip Johnson, l'architecte américain, s'amuse à designer un réacteur atomique en Amérique. Et les Français quittent Bizerte après l'intervention des parachutistes. Joby Checker se trémousse dans Twist Around the Clock. 40 chevaux, 126 km/h, Floride, la plus jolie voiture française. Jules Poupitch invente le système pour attacher et porter les boîtes de bière. Autre innovation, les chauffeurs de taxi sont désormais reliés à une centrale de réservation. Ils deviennent radio-taxi. Le stylo à billes Bic se choisit une couleur fétiche, l'orange. C'est pas sérieux, mon âme. Marc Bohan, pour Dior, enrobe ses dames dans la mousseline. Et les gaines en lycra compressent les rondeurs. C'est pas sérieux. Pendant qu'André Courrèges crée sa maison de couture, Paul Newman est l'arnaqueur. Buñuel, une fois encore, se surpasse avec Viridiana. Et Ken Rosewall, bat Pancho González à Paris, à Roland-Garros. We'll be right back.

début des 60, des souvenirs plein la tête sur Radio Gamozo. Oublie ta peine, ce twist et chante, tous tes problèmes, et puis cet amour qui te manque. Oui, ne t'en fais pas, oublie tous tes ennuis. Un autre amour va commencer, et demain tout sera changé. Ah, oublie tes larmes, retouille tes chants. Oublie, oublie, oublie tes larmes, et puis cet amour qui se ment. Oui, je t'en supplie, adieu, tant pis. Ne t'en fais pas et viens twister. Ne t'en fais pas et viens chanter. Tout s'achève, oublie cet amour qui te manque. Oui, tu t'échanges. Oublie, oublie cet amour. Tu t'échanges. Notez nos rendez-vous, on se retrouve dimanche dès 10h pour la rediffusion de l'émission. Lundi à partir de 15h pour une nouvelle émission en direct et sur radiogamozo.eu, le tout en minuscule et sans accent, notre adresse internet. Merci de nous avoir suivis, excellente fin de journée, excellente semaine sur Radio Gamozo. Les jolis yeux d'une indienne, on a vu un beau matin venir 10 petits indiens. Le premier avait des plumes, le second des mocassins, le troisième des dollars, le dixième n'avait rien. On a su que le quatrième était le fils d'un grand sioux, que le cinquième venait d'une tribu estimée, le sixième était poète, le septième musicien, le dixième n'était rien. Mais les jolis yeux de l'indienne n'ont rien fait pour le huitième, encore moins pour le neuvième qui est reparti chez lui. Le sixième l'a suivi, mais tout le monde l'a remarqué, le dixième est resté. Comment comprendre qu'une indienne est un beau jour le béguin pour un tout petit indien qui n'a pas de mocassin, ni de plume, ni de dollars, qui n'est même pas poète, encore moins musicien. Ce que possède le dixième petit indien, on ne peut pas l'expliquer tant qu'il y aura des indiennes, des indiennes et des indiens. Le cas se reproduira, c'est aussi bien comme ça. Ah, c'est aussi bien comme ça. Ah, c'est aussi bien comme ça. We'll be right back.